Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée dont voici les principaux titres. Le président de la République a exhorté les services habilités à faire un recensement des étrangers irréguliers en vue de les expulser. La présidence considère que ces étrangers sont une des sources de l'insécurité au Burundi. Les responsables des partis politiques demandent que la Commission nationale électorale indépendante CENI traite les partis politiques de la même façon en période électorale. Il s'observe une pénurie de carburant de type mazout au centre-ville de Bujumbura, une pénurie qui paralyse certaines activités, comme vous l'entendrez dans ce journal, mis en onde par Epitas Ndayishimiye. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour. Le président de la République, Pierre Nkurunziza, appelle les autorités compétentes à recenser tous les étrangers irréguliers pour les faire retourner dans leur pays d'origine. L'établissement des personnes irrégulières au Burundi est l'une des causes de l'insécurité, selon le chef de l'État, lors de la réunion de sécurité qui s'est déroulée ce mardi en commune Mutao de la province Gitega. Le porte-parole du chef de l'État a ajouté qu'à l'issue de cette réunion, il a été demandé aux responsables des prisons de saisir tous les téléphones mobiles qui sont entre les mains des détenus. Les détails avec Évariste Nzikobanyan. Au cours de cette réunion de sécurité à l'endroit de tous les gouverneurs des provinces du pays, le chef de l'État a encouragé la quadrilogie pour son rôle de sauvegarde de la paix et de la sécurité sur tout le territoire national. Cela étant, le chef de l'État a évoqué la présence des groupuscules des gens suscitant des inquiétudes dans différentes provinces du pays. Le porte-parole du chef de l'État, Jean-Claude Karegwa, rappelle ce qui doit être fait dans l'immédiat. Parmi les phénomènes nouveaux qui s'observent aujourd'hui, on peut aussi signaler des groupuscules de populations, surtout dans les provinces d'Ngozi, dans les provinces de Bujumbura et la province de Mubanza, où on observe des gens qui, par dizaines, quittent leur province pour aller dans d'autres provinces. Ici, ils demandent aux responsables de la sécurité, de l'administration, de suivre de près les mouvements de la population et de s'assurer si ces mouvements ne sont pas de nature à perturber la paix et la sécurité. La possession des téléphones mobiles par les prisonniers constitue un danger, raison pour laquelle le chef de l'État demande aux responsables des prisons de les saisir, indique son porte-parole Jean-Claude Karegwa. Ici, le chef de l'État demande à la quadrilogie d'être vigilant, de surveiller la sécurité sur les frontières, juguler ce phénomène des escrocs par tous les moyens. Il a signalé que certaines prisonniers dans les pénitenciers possèdent des téléphones. Il demande que tous ces téléphones-là soient retirés des établissements pénitentiaires parce qu'il a été constaté qu'il contribue aussi à pérenniser un climat d'insécurité à travers le pays. Un autre groupe de gens visés par les mesures de sécurité arrêtés au cours de cette réunion, ce sont les étrangers irréguliers vivant sur le territoire national. Le président Nkurunziza ayant demandé aux autorités habilitées à prendre en main cette question en les identifiant pour qu'ils puissent être remis à leur pays d'origine. Le chef de l'État a profité de cette occasion pour demander à la population burundaise de cesser avec l'intolérance politique qui s'observe en cette période préélectorale. Merci Évariste Nzikobanyanga. Le Burundais Vital Bambaz a été élu ce mardi comme membre de l'instance permanente des Nations Unies chargée des questions des autochtones. Cette instance, composée de 16 membres, est chargée de promouvoir les droits des autochtones dans tous les secteurs de la vie. Vital Bambaz indique qu'il va collaborer avec le gouvernement burundais afin d'amener les autres États à respecter les droits des peuples autochtones. Suivez-le au micro d'Oban Nyon. Le Burundi avait déjà entamé des actions que je dirais grandioses de mettre en exergue le respect des droits de l'homme parce que la Constitution elle-même le démontre que nous avons déjà trois parlementaires au niveau de l'Assemblée nationale et 3 sénateurs. Cela montre que le Burundi avait déjà entamé des actions qui vont dans le sens de respect et de croire que tous les Burundais sont au même niveau. Mon élection n'a pas été d'abord un fruit de hasard parce qu'il y avait des candidatures au niveau continental. Pourquoi mon élection d'abord? L'essence évidemment, ça c'est la question d'automne. C'est une institution des Nations Unies qui va dans le sens de voir comment on peut respecter les droits de tout le monde. Ah, le plus valide pour le Burundi, d'abord, c'est que je vais d'abord présenter mon pays, le pays qui a déjà mis en avant le respect des droits de l'homme, le pays qui a une constitution qui reconnaît la représentativité des peuples autochtones, dont 3 sénateurs et 3 députés. Le plus valide, c'est que je contribuerai impérativement à amener notre gouvernement à lancer les questions des peuples autochtones et à amener les autres États à comprendre qu'ils ont le devoir d'entamer le même pas que le Burundi a déjà fait. Isanganiro, la radio de l'avenir. 13 heures passées de 4 minutes dans nos studios. Poursuivons ce journal. Plus de 60% de la population burundaise sont des jeunes enfants, selon Edouard Evrard Guiswaswa, conférencier d'un atelier de ce mercredi organisé par l'UNICEF dans le but de mettre en place un réseau des médias amis de l'enfant. Il ajoute que ces enfants sont peu cités, reçoivent peu d'autant d'expressions dans différents médias. Les représentants du ministre de la Communication et des Médias, Chanel Sabimbona, demandent à tous ces médias d'offrir aux enfants un espace d'expression sans aucune tarification financière et organiser des émissions se focalisant sur le droit des enfants. De longues files d'attente des passagers qui attendent les bus observés au parking de l'ancien marché central de Bujumbura tous les jours en début de la soirée. Certains passagers affirment qu'ils y passent beaucoup de temps et éprouvent des problèmes en cas de pluie. Ils demandent l'augmentation des bus qui transportent les gens vers différents quartiers. Reportage de Jean-Renaud Nyongeza. Arrivé au parking du centre-ville de Bujumbura en début de soirée, de longues files d'attente des passagers s'observent attendant les bus qui les déposent dans différents quartiers. Certains de ces passagers nous ont dit que ces files commencent à se former quand les gens viennent du travail, mais aussi le matin, le déplacement reste un problème, ajoute-t-il. Pour certains, ils passent beaucoup de temps sur ces files d'attente et ceci les pousse à arriver un peu tard à la maison. Pour les autres, faire la queue n'est pas un problème en soi. Ça en devient un quand il pleut. Même si la situation se présente ainsi, ils apprécient l'initiative de faire la queue parce que ça diminue le désordre et demandent à ce que les bus de transport soient augmentés. La radio Isanganiro a cherché un responsable de la Trabouche, Arenila Meba, secrétaire de cette association, a promis de s'exprimer ultérieurement. Rendons-nous en province de Bubanza où notre correspondante espèce Caritas Cabagnana nous parle des préparatifs des élections de 2020. Espèce Caritas Cabagnana a suivi pour nous une séance d'information où les responsables des partis politiques demandent un traitement égal pour tous les politiciens. On l'écoute. Les participants dans cette réunion organisée par la Commission électorale nationale indépendante CENI sur le renforcement de la démocratie pour une bonne préparation des élections de 2020 ont soulevé beaucoup d'inquiétudes sur les élections de 2020. Pasteur Alfred Niarugwa, qui était l'un des représentants des confessions religieuses, a proposé qu'après les élections, certains réseaux sociaux peuvent être momentanément suspendus dans le but d'éviter les rumeurs qui déstabilisent la population. La CENI aura donc le temps de donner les résultats des élections sans précipitation selon ce pasteur qui a même précisé que cela a été fait au Congo voisin lors des dernières élections. Le représentant du parti CNL, quant à lui, a déploré le fait que certains membres des partis politiques ne parviennent pas à avoir des cartes nationales d'identité qui donnent accès aux élections pendant que d'autres peuvent en avoir jusqu'à 3 ou 4. Les participants dirigeants ont également émis le souhait que les observateurs donnent certaines irrégularités qui doivent être résolues immédiatement aux concernés afin de trouver des solutions à certains problèmes au lieu de relever seulement les fautes observées et donner le rapport plus tard. En élevage, une ordonnance ministérielle relative à l'insémination sera bientôt mise en place. Le ministre burundais de l'Environnement, Agriculture et Élevage l'a précisé ce mardi à l'Assemblée nationale. Il a en outre indiqué que jusqu'ici, les spermes de taureaux sont gratuits. Deogui Derurema s'exprimait après des inquiétudes de certains des élus du peuple relatives à la vente de ces spermes et que c'est après une descente des parlementaires de la Commission agricole et pastorale dans cette province, dont Bubanza, où se trouve un centre de multiplication de ces spermes à Randa. Eli Nibele Nibigira pour les détails. Entre autres députés ayant soulevé ce défi, c'est le député François Mitawakana, élu en province de Muyinga. Il revient sur le transport jusque dans les provinces. Il y a quelques jours, des éleveurs ont voulu cette insémination. Puis, quand nous sommes allés chercher les spermes des taureaux, on nous a dit que l'appareil produisant ces semences est en panne. Alors que les éleveurs en ont plus besoin, il y a également un problème de transport jusque dans les provinces. Qu'est-ce que vous avez prévu pour lever ce problème? Car quand on pose la question, on nous dit qu'il n'y a pas de moyens pour les déplacer, qu'il n'y a pas du carburant et autres. C'est difficile pour les éleveurs. De son côté, le député Aloïs Nhakarutimana voudrait savoir si ces spermes pour les taureaux sont gratuits ou non. Dans la plaine de Limbo, les spermes de taureaux sont mis sur le marché, mais quand j'ai demandé au niveau du ministère, l'on m'a informé qu'il devrait être gratuit, c'est-à-dire qu'il y a ces services qui ne travaillent pas comme il se doit. Mais je voudrais avoir des éclaircissements. Sont-ils vendus ou gratuits? Parce que l'élevage deviendrait difficile sur insémination, parce qu'un seul sperme coûte 20 000 francs burundais. Et les résultats de mes enquêtes m'ont prouvé le contraire au niveau du ministère. Ces spermes sont gratuits, répond Deogui Derurema, le ministre burundais de l'Environnement, Agriculture et Élevage. Je voudrais informer qu'une loi sera mise en place et on sortira une ordonnance aussi. Sinon, les spermes pour les taureaux sont octroyés gratuitement et c'est peut-être des spéculations de 20 000 francs burundais pour justifier les déplacements. C'est normal, car c'est un service qui demande du déplacement, peut-être à moto, mais cette somme aussi serait élevée. Sinon, ce service est gratuit. Lors de la descente des membres de cette commission dans ces provinces, dont Bubanza, et plus précisément ce centre d'Oranda, elle a trouvé qu'il y a un problème de personnel, des problèmes d'importation du matériel utilisé, un problème lié aux procédures de marché public, ainsi que des locaux non convenables pour un seul centre du pays. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Parlons encore une fois politique dans ce journal. Les politiciens demandent à la Commission nationale électorale indépendante, CENI, de leur octroyer un espace politique équitable pour éviter un climat de tension qui pourrait surgir à la veille des élections de 2020. Ce dernier appelle à la CENI de suivre de près le comportement de partis politiques sur le terrain, car, disent-ils, tous les partis politiques agréés doivent bénéficier d'un même cadre de travail. Ils l'ont dit ce mardi lors des échanges dans une réunion de consolidation de la démocratie organisée par la CENI. Pierre Claver-Kazihisse, président de cette institution, dit être en contact avec les leaders des partis politiques pour assainir le climat tout en s'inspirant du passé récent. Aimé Richard Niomour. Au cours des échanges et dans cette réunion de consolidation de la démocratie organisée par la Commission électorale nationale indépendante CENI, les politiciens demandent à cette commission d'être toujours aux côtés des leaders des partis politiques en essayant de les familiariser avec la culture du dialogue constructif. Ces politiciens demandent également aux leaders des partis politiques de toujours calmer les esprits de la jeunesse, car, poursuivent-ils, l'histoire récente a montré que cette jeunesse est facile à manipuler et que les conséquences tombent sur eux en premier lieu, mais aussi sur leurs familles. Le monde médiatique est aussi interpellé. Les journalistes devraient accorder un même espace médiatique aux politiciens sans discrimination. Cependant, la culture démocratique que la CENI est en train de vulgariser dans les milieux politiques doivent être pilotés par un bon comportement affiché par les électeurs et les élus, selon les participants, toujours dans cette réunion. Quant à Pierre Clavet-Kazihissé, le président de la CENI, la commission est déjà en contact avec les leaders politiques pour assainir le climat afin de prévenir tout ce qui pourrait freiner le bon déroulement de la campagne électorale 2020. Cette réunion de consolidation de la démocratie, organisée par la Commission électorale nationale indépendante, a vu la participation des leaders politiques, à mairie de Bujumbura, les administratifs, les représentants de la société civile, les acteurs de la justice et de l'éducation, sans oublier les leaders religieux. Merci Richard Nyonguru. La pénurie de mazout s'observe sur plusieurs stations au centre-ville de Bujumbura. Les employés de stations-service indiquent qu'il y a plus d'une semaine que cela s'observe. Les clients, de leur part, disent que ça handicape leurs activités quotidiennes et demandent au gouvernement de trouver une solution à ce problème. Le ministère de l'Énergie et des Mines nous a fait savoir qu'il va s'exprimer sur ce sujet dans l'après-midi. À Rumonge, le commerce entre la République démocratique du Congo et le Burundi via le port commercial de cette province sont au point mort depuis 2 semaines. À l'origine, des boissons Brarudi à destination de la RDC bloquées dans ce port commercial. L'autorité maritime renvoie la balle au service de renseignement de Rumonge. Ceux qui vivent des activités de ce port demandent qu'une solution soit rapidement trouvée. À 13h passées de 14 minutes, c'est la fin de ce journal. Mais je vous rappelle que le président de la République a exhorté les services habilités à faire un recensement des étrangers irréguliers en vue de les expulser et les responsables des partis politiques demande que la Commission nationale électorale indépendante CENI traite les partis politiques de la même façon en période électorale. Merci à vous tous qui êtes à l'écoute de la radio Isanganiro. Vous continuez à suivre les émissions de notre station.